Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux est une commandite de Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. L'automne est arrivé et il est déjà le temps de se préparer pour la période froide qui s'en vient. Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous offre une vaste gamme de pneus d'hiver dans les marques les plus prestigieuses à différents prix. Venez voir nos souffleurs à neige qui seront utiles pendant nos hivers rigoureux. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Consultez notre circulaire pour nos différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Le but de sport local et régional du 1er novembre, en parlant de Charles Tremblay, celui qu'on a parlé en début de semaine, ce qu'on a appris hier, c'est que Charles Tremblay s'est vu octroyer ou s'est vu inviter à une place officielle au camp de recrutement pour essayer de performer ou essayer de faire l'équipe Canada-Est dans le cadre du défi mondial Junior A. C'est le championnat mondial de hockey junior A qui aura lieu à Dawson Creek en Colombie-Britannique du 7 au 15 décembre. Rappelons que Charles Tremblay occupe le 8e rang des compteurs de la Ligue junior 3A. On vous avait parlé également que Junior Junot était en négociation avec le club Domaine Lac-Saint-Jean pour un contrat de 3 ans, mais c'est maintenant fait. Junior Junot, sur sa page Facebook, a confirmé la nouvelle. On y a parlé ce matin et évidemment, il est très heureux de cette nouvelle. Très heureux, bien content d'avoir renouvelé. D'un côté comme de l'autre, c'était ça le but, puis c'était ça l'objectif qu'on voulait. Puis moi, après un an, là, on m'était dit, on va pas faire un an, on va voir comment tout ça va aller. Ouais. Puis après ça, on verra pour s'engager un peu plus à long terme. Fait que on en est rendu là, puis si vous voulez qu'on règle ça, on ne pas traîner ça, on aurait pu régler ça après fête ou mais ouais. Je pense plus vite que c'est fait, plus vite qu'on peut regarder vers l'avant puis mettre, comme tu dis, des projets en place pour En fin de semaine, se déroulera également le premier tournoi, un tournoi intermédiaire. On tente de relancer le tournoi amateur qui avait connu beaucoup, beaucoup de succès au cours des dernières années. En entrevue sur les ondes de danradiosport.com, le responsable Pierre-Luc Ménard parle qu'on n'est pas rendu à l'étape de 32 équipes et ce qu'on tente, c'est de relancer ce tournoi-là. 3, 4 ans, 5 ans là, par rapport au nombre d'équipes, là, on est loin du temps où que le gros tournoi en février, il y avait 32 équipes ou 32 équipes. On est plus on était rendu dans des 11, 12, 13 équipes. Okay. Dans les dernières années, fait que c'était de plus en plus difficile. Là, c'est sûr que nous autres, on est une gang là, de six gars qui a repris le tournoi, fait qu'on a l'organisation des tournois, chapeauté par la Ligue de Belzile de Nifasny. Puis tu sais, l'objectif, c'était vraiment de remonter ça. Puis d'emmener un vent nouveau. Boomer, okay. Yves Gagnon, il a donné beaucoup à ces tournois-là. Fait que nous, on prend un peu le règne de ça. Cette année, on va avoir 14 équipes pour la première édition, c'est en fin de semaine. Fait que c'est quand même très bon. On se sépare en deux catégories au lieu de trois. OK. Parce qu'on a moins d'équipes, c'était plus difficile de trouver des équipes. Luc Ménard mentionne que les équipes proviennent d'un peu partout. Nouvelles équipes, là, Saint-Fé, Robertval. Fait que okay. Ça, c'est des nouvelles équipes qui n'ont jamais venu ici. On a une de Chibougamau. Fait que ça aussi, c'est une nouvelle équipe par contact qu'on décide de venir. Dernière minute, ils ont fait une équipe, ça fait une semaine. Okay. Puis après ça, le reste, c'est nos équipes habituelles là, du secteur là, de Lobo-Mistassini. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé d'abord avec l'instructeur associé des Castors de Dolbeau, David Rivard. On s'est également entretenu avec la Ligue JMS, Pierre-Luc Ménard avec sa chronique de la semaine. Également, on a parlé avec Simon Gaudreau des Aigles de Robertval et d'autres actualités dans le monde du sport local. Le sport local et régional à danradiosport.com.